Les uns sont petits de taille, les autres sont laids de figure. Ils ont reçu cette conformation de leurs parents. D'autres ont apporté en naissant ces infirmités, en punition des fautes qu'ils avaient commises dans leur vie antérieure. Si leur vue excite nos railleries, non seulement nous montrons pour eux un mépris coupable, mais encore nous allumons leur colère, et nous faisons naître des querelles acharnées. Histoire lorsque Yang Kuechong présidait à l'élection des fonctionnaires publics, il les faisait venir dans sa maison. C'était là qu'il proclamait leur nom et leur conférait des emplois. Il ordonna à ses sœurs de les regarder à travers une jalousie. Toutes les fois qu'elles voyaient entrer un lettré laid ou bossu, elles venaient le nommer aux personnes réunies dans la salle et l'exposaient à leur risée, de sorte que les plaisanteries de l'assemblée se faisaient entendre jusque dans la rue. Les lettrés et les magistrats conçurent pour eux une haine profonde. Quelque temps après, lorsque le prince en Loshan se révolta, Kuechong fut tué par un soldat, et ses sœurs moururent toutes à la même époque. Parmi les hommes de l'Antiquité qui avaient quelques infirmités corporelles, il en est un grand nombre qui sont parvenus aux charges les plus élevées. Il ne faut pas les traiter légèrement ni les tourner en ridicule. Voir dans les autres des talents et une capacité digne d'éloge, et mettre des obstacles à leur avancement. Commentaire. Le mot « i » 8 signifie ici arrêter quelqu'un, l'empêcher d'avancer. Quand un homme a des talents et de la capacité, nous devons le louer et le recommander, afin qu'il acquière de la réputation dans le monde. C'est là ce qu'on appelle se plaire dans la droite raison et aimer la vertu. Lorsque nous voyons que les talents et la capacité d'un autre homme sont vraiment dignes d'éloge, si nous mettons des obstacles à son avancement, au lieu de le louer et d'exalter son mérite, ce crime excitera la colère des hommes et des dieux. Histoire Yuan Song, de la dynastie des Tang, interrogea Li Linfu, et lui dit: Lien Tingqi mérite d'obtenir une charge éminente. Où est-il maintenant? À cette époque, Tingqi était gouverneur de Qiangcheu. Li Linfu eut recours à un stratagème perfide. Il appela le frère cadet de Yen Tingqi et lui dit que l'empereur était rempli de bienveillance pour son frère et que, s'il demandait à revenir, sous prétexte de maladie, il pourrait obtenir une audience de son souverain. Yan Ting suivit ce conseil. Aussitôt Li Linfu présenta sa supplique à l'empereur. Yan Ting est malade, ajouta-t-il. Il serait convenable de lui permettre de quitter sa charge pour soigner sa santé. L'empereur y consentit en gémissant et accorda à Ting Chi le titre honoraire de Yuan Wei Shensei. Li Linfu étant mort quelque temps après, on brisa son cercueil, et on mit en pièces son cadavre. Tel est le châtiment de ceux qui nuisent aux intérêts de l'État en fermant la route aux sages. Quant à ceux qui ont l'habitude de tenir dans l'oubli les hommes vertueux, ils méritent aussi d'être sévèrement punis. Cacher l'effigie d'un homme pour lui donner le cauchemar. Commentaire. Ce passage veut dire cacher dans un endroit l'effigie d'un homme en bois sculpté, pour lui donner le cauchemar. Histoire Kong Sun Cho étant mort subitement quelque temps après avoir pris possession de la charge de trésorier, il apparut en songe au gouverneur de son district, et lui dit: J'ai été victime d'un attentat odieux, et je viens, Seigneur, vous prier de me venger. Le moment de ma mort n'était pas encore venu, mais mes domestiques m'ont donné le cauchemar, et j'ai été suffoqué au milieu de mon sommeil. Si vous envoyez secrètement plusieurs soldats intrépides, aucun d'eux ne pourra vous échapper. Sous la septième tuile du toit de ma maison, se trouve mon image en bois sculpté. cherchez-la, et punissez les coupables. » Le lendemain, le gouverneur du district fit prendre tous les domestiques, et, après quelques recherches, on trouva en effet sous la tuile désignée une figure d'homme en bois, grande d'un pied, et tout hérissé de clous. Peu à peu le bois se changea en chair, et poussa, lorsqu'on le frappait, des cris inarticulés. Aussitôt le gouverneur du district fit son rapport au préfet du département, qui condamna plusieurs domestiques au dernier supplice. Faire périr les arbres à l'aide de drogues empoisonnées. Commentaire. Ce passage s'applique à ceux qui, ne pouvant abattre eux-mêmes les arbres des autres, les font mourir en les arrosant secrètement avec de l'eau empoisonnée. Les anciens disaient, les arbres qui ont beaucoup d'années servent ordinairement de retraite aux démons et aux esprits. Si donc celui qui les abat éprouve souvent des malheurs extraordinaires, le ciel ne punira-t-il pas plus sévèrement encore celui qui les fait périr à l'aide de drogues empoisonnées? En effet, il éteint le principe vital qui émane du ciel et de la terre, et détruit la propriété d'un homme paisible. Histoire. Il y avait à Wenzhou un homme nommé Wang Shangtsin. Derrière sa maison s'élevait un grand arbre qui avait 1000 ans. Un géomancien lui ayant dit que cet arbre lui porterait malheur, il voulut l'abattre mais il ne put en venir à bout. Le même homme lui fit croire que cet arbre servait de retraite à des esprits malfaisants. Alors Shangtsin appela une magicienne pour les chasser. Celle-ci cloua secrètement sur l'arbre une drogue empoisonnée qui le fit périr promptement. Shangtsin ne lui survécut pas, à quoi sert donc de faire mourir les arbres des autres? Conserver de la haine contre son professeur. Commentaire. Les mots yinou signifient ici avoir de la haine, de la rancune. On entend par l'expression c'est fou, celui qui est chargé de notre instruction morale ou littéraire. Si un homme possède un art ou une science, il en est redevable au maître qui l'a lui enseigné. C'est pourquoi ceux qui nous instruisent ont droit à notre reconnaissance, comme le ciel et la terre, comme notre père et notre mère. Aussi sont-ils dignes de tous nos respects. Si au contraire nous gardons de la haine contre eux, c'est nous rendre coupables de la plus noire ingratitude. Nous ne pouvons manquer d'être punis d'une telle conduite. Histoire. Homme de Lianling, nommé Qingcheng, avait étudié assidûment auprès de son précepteur. Il obtint le grade de docteur, et fut élevé à la dignité de juge. Son maître ayant commis un crime qui méritait la mort, il lui rappela alors les bontés qu'il avait eues jadis pour lui, espérant de le toucher et d'obtenir sa délivrance. Mais Ching ferma l'oreille aux prières de son maître et lui dit d'un ton courroucé : « Je dois obéir à la justice et aux lois. » Et de suite il le condamna à mort. Après cet événement, soit qu'il fût en voyage ou en repos, soit qu'il fût assis ou couché, il voyait sans cesse son maître devant ses yeux. Il ne lui survécut pas longtemps. Le proverbe dit, « Toute magistrature vient des livres, c'est-à-dire s'obtient par l'étude et l'instruction. » Qingcheng avait vu son maître sur le point d'aller à la mort, et n'avait fait nul effort pour le secourir. Au contraire, loin d'avoir compassion de lui, il l'avait fait mourir en lui montrant une haine implacable. On peut dire que c'était un disciple qui avait oublié le plus sacré de ses devoirs. Non seulement les démons ne pouvaient le laisser impuni, mais le ciel même ne pouvait souffrir qu'il vécût plus longtemps. Résister à son père et à ses frères aînés, et les offenser ouvertement. Commentaire. Le mot « ti » veut dire ici résister aux ordres de notre père ou de nos frères aînés, au lieu de leur obéir sur le champ, leur résister par des paroles, avec la même opiniâtreté que si l'on tenait tête à un ennemi, ne point leur céder de l'épaisseur d'un cheveu, c'est ne pas obéir à ses parents. Voici le sens de TCHO 2. Lorsque nous offensons, même sans le vouloir, notre père ou nos frères aînés, et que nous provoquons leur colère, lorsque nous leur donnons un juste sujet de chagrin et de douleur, ils souffrent aussi vivement que s'ils étaient blessés par la corne d'un animal furieux ou par une âme acérée. C'est manquer de piété filiale envers nos parents, et de respect envers nos aînés. Il faut songer que notre père nous a donné la vie, et que nos frères aînés nous ont élevés. Si nous osons leur résister et les offenser ouvertement, il est impossible que le ciel et les dieux nous permettent de vivre plus longtemps. Histoire. Sous la dynastie des Tang, il y avait dans l'arrondissement de Huacheu un homme nommé Changqi, qui brûlait tous les jours des parfums et invoquait le ciel, le suppliant d'effacer les fautes de sa vie passée. Un jour, il fut emporté dans l'autre monde. Le roi de ce séjour lui montra un livre noir. Il vit dans ce livre noir la liste de ses péchés, qui avaient tous été effacés l'un après l'autre, à l'exception d'un seul. Il examina le livre avec attention, et se rappela que dans son enfance, comme il se trouvait avec son père dans un champ où l'on moissonnait, il l'avait regardé de travers, et avait laissé échapper contre lui quelques légères injures. C'est pour cela qu'il n'avait pu obtenir l'entière absolution de ses fautes. Or, suivant le code du ciel, les fautes qui blessent la piété filiale ne peuvent être effacées par le repentir. Si donc de légères injures proférées à voix basse ne se pardonnent pas dans le ciel, avec quelle sévérité ne sera-t-on pas puni pour avoir résisté à son père et à ses frères aînés, et les avoir offensés ouvertement? Inkwei, du pays de Lintong, avait coutume de mépriser son frère aîné, nommé Infukwei. Il mourut la première année du règne de l'empereur Shitsong, en 1522, et ressuscita trois jours après. Il se prosterna devant Fukwei, et lui dit « Désormais je n'oserai plus mépriser mon frère aîné. » Fukwei fut frappé de stupeur, et le pria de s'expliquer. Une troupe de démons, lui répondit-il, m'entraînait dans le temple de la ville, et, comme j'étais à genoux au bas des degrés, j'entendis une voix formidable qui me dit « Comment avez-vous osé mépriser votre frère aîné? Ce crime mérite 100 coups de bâton. » À la vue des démons qui allaient me frapper, je fus saisi de terreur, et je m'écriai à haute voix « Je reconnais mon crime, et dès ce moment, je jure de me corriger. » Tout à coup j'entendis la même voix qui me dit « Puisque cette résolution est sincère, je te fais grâce de ton châtiment. Qu'on le laisse retourner sur la terre. » On voit par là que le code de l'autre monde punit de 100 coups de bâton celui qui méprise son frère. On peut juger par là des châtiments qui sont réservés à ceux qui résistent à leur père et à leur frère aîné, et les offensent ouvertement. Prendre une chose de force, ou demander ce qui n'est pas dû. Commentaire. Dans ce monde, les biens et les richesses sont répartis à chaque homme par la volonté du ciel. Celui qui les prend de force s'attire toujours des calamités imprévues. Celui qui demande ce qui ne lui est pas dû, appelle toujours sur sa tête les malheurs qui sont réservés aux hommes d'une basse cupidité. Histoire. Chang, moniteur impérial de la province de Sichu, dit un jour à un de ses parents, nommé Linki. Lorsque j'étais en inspection dans la province de Yunnan, je vis pendant la nuit un homme vêtu de rouge qui s'approcha de moi et me dit « Je vous garde depuis longtemps un dépôt d'argent. J'attendais votre arrivée avec impatience. » Je lui demandai où était cet argent. Le Dieu me montra le dessous de mon siège. J'y trouvai en effet 1000 onces d'argent blanc. Comment, lui dis-je, pourrais-je emporter cette somme? Écrivez-moi sur un billet le lieu où vous demeurez, me répondit le dieu. Je porterai cette somme chez vous. J'écrivis le billet, et je le brûlai. Aussitôt le dieu disparut. Quand je fus revenu à la capitale, pour rendre compte de ma mission, je trouvai un de mes anciens condisciples, qui sollicitait ma recommandation pour obtenir une charge, et je le forçai de me donner 200 onces d'argent. Étant rentré dans ma maison, je me mis à prier au milieu de la nuit, et je vis de nouveau le même Dieu, mais je ne trouvai plus que 800 onces d'argent. Lui en ayant demandé la cause, il me répondit, « La somme qui vous manque est celle que vous avez prise à votre condisciple. » Je fus rempli d'étonnement et de confusion, et le remerciai de cet avertissement. On voit par là que la quantité des richesses est fixée par le destin. Si Chang n'eût pas pris de force l'argent de son condisciple, il se serait distingué par son intégrité et son désintéressement, et il aurait trouvé ses 1000 onces intactes. Ainsi ces 1000 onces ont été diminuées de la somme qu'il avait prise de force à son ami. À quoi sert donc de prendre de force ce qu'on désire? Un homme de Ling An, nommé TCH'ni, qui était d'une basse cupidité, avait ouvert un cabaret hors des portes de la ville de Tiantan. Un jour, à la deuxième veille, 5 jeunes gens d'un extérieur distingué entrèrent chez lui, et lui demandèrent à boire. TCH'ni les prit pour les 5 dieux appelez-vous Taoshin. Il se prosterna devant eux, et leur dit. Puisque j'ai le bonheur de rencontrer des dieux aussi puissants que vous, je vous supplie de m'accorder quelque peu de richesse et d'honneur. Cela n'est pas difficile, lui répondirent en riant les étrangers. Ils ordonnèrent à un soldat de remettre à TCH'ni un sac qu'il portait sur ses épaules. Chini le reçut en se prosternant jusqu'à terre. Et ayant introduit la main, il reconnut qu'il était rempli de vases à mettre du vin. Il l'emporta avec précipitation en ville, mais il craignait que les vases ne le trahissent par leur bruit. Il fut interrogé par des inspecteurs, qui se contentèrent de palper extérieurement le sac. De retour chez lui, il aborda sa femme d'un air joyeux, et lui raconta son aventure. Sa femme ouvrit le sac, et s'écria avec étonnement. « Tout cela ressemble bien à notre vaisselle. » Il s'empressa d'ouvrir le sac pour s'assurer de la vérité, et n'y trouva plus rien. On voit, d'après cet exemple, que les richesses que chacun doit posséder sont déterminées par le destin. Si TCH'ni n'eût pas demandé un bonheur auquel il n'avait pas droit, les ustensiles de sa maison fussent restés intacts. Il les a détruits par sa basse cupidité. À quoi bon les hommes demandent-ils à toute force les choses qui ne leur sont point destinées? Un marchand de Keaing avait amassé plusieurs centaines d'onces d'argent et les avait cachées au fond d'un vase. Il plaça par-dessus 2 aiguilles de tête, enterra le vase sous terre, et se mit en voyage pour les affaires de son commerce. Il ne se doutait pas qu'il avait été épié par son fils. Celui-ci, profitant de son absence, alla furtivement ouvrir le vase. Il y vit de l'eau limpide. Et ayant introduit sa main, il ne trouva rien qui pût satisfaire sa cupidité, et le referma comme il était. À son retour, le père ouvrit le vase, et dit à sa femme. « Qui est-ce qui a débouché le vase que j'avais soigneusement caché? D'où vient que les 2 aiguilles de tête que j'avais placées en dessus se trouvent maintenant au fond ?» Quelque temps après, le fils raconta ce qu'il avait fait. Ils gémirent ensemble sur ce malheur. On voit par là qu'un fils ne doit pas s'emparer, contre la volonté du destin, des richesses de son père. À plus forte raison, ne doit-on pas s'emparer injustement des richesses d'autrui? Cet exemple devrait faire mourir de honte les hommes qui se laissent guider par la cupidité. Aimer à empiéter secrètement sur le bien d'autrui, ou à s'en emparer de vive force. Commentaire. Le mot ao, un, signifie se réjouir au fond du cœur, de faire une chose. Le mot th'apostrophine, deux, veut dire recourir à l'astuce et à la ruse pour prendre secrètement. Le mot to, quatre, signifie s'emparer d'une chose ouvertement et de vive force. Le mot th'apostrophine, deux, renferme l'idée de prendre une petite partie d'une chose, et to, quatre, celle de la prendre tout entière. Par ces deux actions, on usurpe également le bien des autres, pour en faire son profit. Celui qui nourrit constamment un tel désir dans son cœur, ne peut jouir en paix de ses biens mal acquis, ni échapper à son châtiment. Histoire. Changxian et Yuping demeuraient près l'un de l'autre. Ils virent toute leur maison consumée par le feu. Yuping mourut quelques années plus tôt que son voisin. Un homme du même village, nommé Tang et Fo, tomba malade et fut emporté dans l'autre monde. Ping, ayant vu Tang et Fo, lui dit en pleurant : « Je demeurai autrefois auprès de Changxian. L'endroit où était bâtie ma maison était bien dans les limites de mon terrain, mais l'eau de mon toit découlait sur celui de Changxian. Je lui intentai un procès, et je lui enlevai seulement 3 pieds de terrain. J'en ai été puni dans ce séjour ténébreux, et mon châtiment dure encore. Je vous en prie, allez en instruire mon fils, afin qu'il rende promptement cette portion de terrain usurpée. Peut-être pourrais-je alors être délivré des peines que j'endure. Sans cela, comment sortirais-je du filet où m'a jeté mon crime ?» Et Fo, étant revenu sur la terre, raconta ce qu'il venait d'entendre, et c'est ainsi que cet événement arriva à la connaissance du public. Un homme appelé Xing, de la province de Hukuang, était naturellement traître et méchant. Aussi l'avait-on surnommé Essaim, c'est-à-dire cœur noir. Il jouissait d'une immense fortune. Un jour il voulut faire construire 5 pavillons, mais l'exiguïté de son terrain l'en empêchait. Il chargea quelqu'un de faire des propositions au propriétaire de la maison voisine, qui s'appelait Chang, mais ayant éprouvé un refus, il pria secrètement un voleur de grand chemin d'accuser injustement Chang, qui alla mourir en prison. La mère et la femme de Chang lui vendirent le terrain qu'il convoitait, et il eut bientôt achevé ses 5 pavillons. Il eut un fils qui ne parlait pas encore à l'âge de 6 ans. Un jour que Xing était assis dans un pavillon, son fils monta péniblement vers lui. Xing s'écria en le montrant du doigt. « C'était pour mes fils et mes petits-fils que j'ai construit tout ceci, et maintenant te voilà frappé d'une infirmité incurable. Que faire ? Que faire ?» Tout à coup son fils s'écria d'une voix formidable. « Qu'était-il besoin de vous donner tant de peine ? Ne me reconnaissez-vous pas ? Je suis Chang, que vous aviez fait périr injustement, afin de vous emparer de mon terrain. Je suis venu exprès pour me venger de vous. » Xing fut frappé de terreur. Il tomba à la renverse et mourut sur le champ. Son fils, étant devenu grand, dissipa follement tout son bien. On voit, par ces exemples, que ceux qui aiment à empiéter sur le bien d'autrui, ou à s'en emparer de vive force, sont immédiatement punis de leurs crimes. Quel profit retire-t-on de cette coupable conduite ? S'enrichir par le vol et la rapine. Commentaire. L'expression loulio signifie enlever violemment les biens des autres. Les mots chifu veulent dire élever sa maison, s'enrichir par ce moyen? Il n'est pas nécessaire de parler ici des voleurs et des brigands, qui s'enrichissent par le vol et la rapine. Ce passage s'adresse aux magistrats qui dépouillent le peuple, aux commis ou secrétaires qui dilapident le trésor public, aux fonctionnaires qui emploient les menaces pour frauder leurs administrés, sous prétexte de servir l'État, à ces hommes riches et pervers qui prêtent à gros intérêts. Les uns profitent des désastres de la guerre, d'une irruption de brigands, pour s'emparer des richesses des hommes. Les autres profitent d'une tempête pour piller leurs marchandises. Tous ceux qui s'enrichissent en prenant par ruse ou de vive force le bien des autres, ne jouissent pas longtemps de cette fortune usurpée. Histoire et Changuisso était un des officiers du tribunal des peines de la capitale. Il mettait les hommes en prison à l'aide de faux mandats d'amener, les attachait avec une grosse chaîne de fer qu'il portait toujours avec lui, et ne leur rendait la liberté qu'après avoir obtenu de grandes sommes d'argent. Comme il avait des intelligences avec le greffier du tribunal et avec les soldats de la prison, il lui était facile de forger une fausse accusation contre quelqu'un, et de le faire tomber dans ses pièges. Il amassa une grande fortune en l'espace de 3 ans. Tout le monde le redoutait, et, par allusion à sa chaîne de fer, Tieso, on le surnomma Changuisso. À la fin, un inspecteur impérial, nommé Kong, le fit prendre, le condamna à mort et confisqua tous ses biens. On voit, par cet exemple, que ceux qui s'enrichissent par le vol et la rapine ne manquent jamais de s'attirer les plus grands malheurs. Employer la ruse et la fraude pour obtenir de l'avancement. Commentaire. Le mot kiao 1 signifie ruse ou artifice. Le mot cha 2 signifie fraude, supercherie. L'expression QTH'1 veut dire chercher les moyens d'obtenir de l'avancement. Toutes les fois qu'un homme obtient une charge, une magistrature, c'est qu'il est favorisé à la fois par la fortune et le destin. Si la justice ou le destin veulent que vous obteniez un emploi, vous l'obtenez de suite et sans le demander. Si vous n'avez pour vous ni la justice ni le destin, vous ne pouvez l'obtenir même pour un jour. Ceux qui obéissent au destin, et qui se contentent de leur sort, obtiennent sans effort des magistratures, et les conservent toute leur vie. Mais il est à craindre que ceux qui cherchent à en obtenir par la ruse et la fraude